suis content pour nous deux. On a tout, tout pour être heureux. Et quand tu me dis que tu ne peux pas te passer de moi, je me dis tant mieux. Ça va, ça va, ça va, ça va, je t'aime. Ça va, ça va, ça va, ça va, tu m'aimes. Ça va, ça va, ça va, ça va, on s'aime. Oui, ça va très bien. Tous les mots d'amour que tu inventes, jamais je ne les oublierai. Si tu les as dit à d'autres avant moi, tu sais quand même. Ça va, ça va, ça va, ça va, je t'aime. Ça va, ça va, ça va.